le dernier des Mohicans. Dans les années 1750, les Anglais et les Français n'étaient vraiment pas amis. Ils voulaient les uns et les autres conquérir de nouvelles terres dans le Nouveau Monde, et bien sûr, ils se livraient des batailles sanglantes, notamment en plein cœur du Canada. Et les Indiens, qui vivaient jusqu'alors en paix, se battaient maintenant tantôt aux côtés des Anglais, tantôt aux côtés des Français. Écoutons comment s'est déroulée cette horrible guerre. Avant même d'entrer en contact avec l'ennemi, les soldats doivent d'abord braver les fatigues et les dangers d'une nature hostile. En effet, une large ceinture de forêt sépare les possessions françaises et les possessions anglaises, et l'Hudson, à part quelques rapides et crevasses, est une rivière tout à fait navigable. C'est donc le long de ses rives que les combats sont les plus violents, Français et Anglais construisant des forts à chaque point stratégique. Un soir, du côté des Anglais, c'est la consternation au Fort Edward, commandé par le général Webb. Un coureur indien apporte un message pressant du colonel Monroe, commandant un autre fort anglais, le William Henry, et situé à moins de 5 lieues du Fort Edward. Si ce colonel demande de toute urgence un renfort important, c'est pour mieux barrer la route au général français Montcalm, qui est, paraît-il, en train de remonter le Champlain avec une armée aussi nombreuse que les feuilles des arbres. Ainsi, réveillé dès l'aube par le roulement des tambours, un détachement de 1500 hommes quitte en silence le Fort Edward. Les éclaireurs sont à peine enfoncés dans la forêt que déjà, le signal d'un autre départ résonne dans le camp. Aussitôt, on scelle une demi-douzaine de chevaux. Parmi les cavaliers, se trouvent deux jeunes femmes escortées par un jeune officier. L'une d'elles est blonde aux yeux bleus et l'autre, plus âgée de 4 ou 5 ans, est brune au teint mat. Enfin, les trois cavaliers saluent le général Webb, puis quittent le camp en silence. Quelques mètres plus loin, la jeune femme blonde pousse un petit cri lorsque le coureur indien, celui qui est venu apporter le message, la dépasse pour prendre la tête de la troupe. L'homme a en effet un visage féroce, présentant d'étranges peintures, et son allure est d'autant plus impressionnante qu'il porte un tomahawk et le couteau de sa tribu. Inquiète, la cavalière interroge aussitôt le jeune officier qui chevauche à ses côtés. Voit-on souvent de tels spectres dans la forêt, Howard? Cet Indien appartient à notre armée. Il s'est proposé de nous conduire jusqu'au lac par un sentier peu connu, mais beaucoup plus rapide que l'itinéraire choisi par le reste de la colonne. Cet homme ne me plaît guère, mais sans doute le connaissez-vous bien puisque vous lui confiez cette mission. N'ayez aucune crainte, Alice. Magua est canadien de naissance et pourtant il a servi avec nos alliés Mohawks, une des 6 tribus qui combattent à nos côtés. J'ai entendu dire qu'il est venu parmi nous dans des circonstances étranges où votre père l'aurait, dit-on, durement maltraité. Mais peu importe, il suffit qu'il soit aujourd'hui notre ami. Alors que le cortège s'avance sur un chemin étroit et broussailleux, le guide perçoit soudain des bruits de sabots. Il arrête net son cheval et fait signe au reste de la troupe d'en faire autant. Presque aussitôt, un poulain surgit des pins comme une flèche, portant un étrange individu à l'air dégingandé. L'homme est grand, d'une taille étonnante. Mais sa façon de monter est encore plus étonnante. La bouche d'Edward esquisse un large sourire. Cherchez-vous quelqu'un par ici? Tout juste. J'ai appris que vous vous rendiez à William Henry et comme je m'y rends moi-même, j'ai pensé qu'il serait agréable pour nous tous que je me joigne à vous. Devant l'air interloqué du jeune officier, l'étranger ajoute aussitôt. J'espère que je n'ai offensé personne par mon audace. En vérité, ma seule compétence réside à chanter des psaumes. Amusé par un tel personnage, Alice demande au militaire. Edward, ne froncez pas les sourcils. Si cet homme a la musique dans l'âme, ne rejetons pas sa compagnie. Puis, s'avançant vers l'inconnu, la jeune femme lui dit. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, mon ami. Nous pourrons chanter un duo. Mais quel est votre nom? David Lagame, mademoiselle, mais appelez-moi simplement David. Satisfait, le maître de chant porte à ses lèvres une petite flûte et en tire un son aigu et élevé. Puis il se met à vocaliser malgré l'air réprobateur de l'officier Hayward qui précise. S'il est vrai que nous ne courons aucun danger, la prudence nous enseigne tout de même de voyager à travers ces lieux sauvages le plus silencieusement possible. Hélas, les cavaliers ne sont pas plus tôt passés que les branches des buissons s'écartent pour laisser apparaître une tête hideuse, comme savent s'en faire les sauvages avec leur peinture de guerre. L'homme suit des yeux la colonne et constate avec une joie triomphante qu'elle prend bien la direction de l'embuscade qu'il a préparée. Pendant ce temps-là, deux hommes font halte au bord d'une rivière à une heure de distance environ du camp du général Webb. L'un s'appelle Chingagook. Il a la peau cuivrée et l'accoutrement sauvage d'un habitant de la forêt. L'autre se nomme Œil de Faucon, car rien n'échappe à son œil perçant. Et malgré son équipement primitif et son teint brûlé par le soleil, ce redoutable chasseur est incontestablement d'origine européenne. L'Indien et l'homme blanc discutent des guerres que leurs ancêtres ont menées quand Uncas, le fils de Chingagook, vient les rejoindre. Après un long silence, l'Indien explique à l'homme blanc. Tu vois, Œil de Faucon, quand je mourrai, Uncas sera le dernier des Mohicans, car tous les membres de ma tribu ont été tués. Mais l'Indien est soudain interrompu par des bruits de pas. En un éclair, Œil de Faucon braque son fusil et le pointe vers l'officier Hayward qui est manifestement égaré. Sans perdre son sang-froid, le militaire demande au chasseur. Savez-vous à quelle distance nous nous trouvons du fort William Henry? Nous nous sommes confiés à un guide indien et apparemment nous nous sommes mépris sur sa compétence. Vous lui tournez le dos. Et c'est très étrange qu'un indien se perde dans les bois. Est-ce un Mohawk? Pas de naissance, mais il a été adopté par cette tribu. Je crois que c'est un Huron. À ces mots, Œil de Faucon réplique avec colère. Un Huron? C'est une race de voleurs. Et peu importe s'il sert dans votre armée, à moins que vous ne soyez vous-même un ennemi, un espion du général français, Montcalm. L'officier s'empresse de préciser. Si vous servez dans les troupes dont je crois que vous êtes un éclaireur, vous devriez connaître le 60e régiment du roi. Bien sûr que je le connais, j'ai même entendu dire qu'un gentilhomme a obtenu le commandement de la garnison. Eh bien, ce gentilhomme, c'est celui qui vous parle en ce moment. Je ne suis donc pas un ennemi à redouter. Rassuré, Œil de Faucon propose aussitôt à Hayward de le conduire au fort William Henry, mais il n'a aucune confiance en Magua, son guide indien qu'il soupçonne d'être un espion envoyé par le général Montcalm. Il s'avance alors vers Chingagook et Uncas, puis leur fait part en langue Delaware de ses soupçons. Se sentant alors découvert et connaissant l'habileté légendaire du chasseur, Magua s'enfuit à toutes jambes à travers les bois, évitant de justesse les coups de feu. Inquiet, Œil de Faucon annonce à Hayward. Nous ne serons pas en sûreté tant que ce vaurien sera en liberté. Messieurs, ces deux Mohicans et moi ferons tout pour vous conduire, vous et ces demoiselles, au fort William Henry. Seulement, nous n'avons pas un instant à perdre. Partons vite d'ici. Sinon, demain, nos scalps sécheront au vent devant la tente de Montcalm. Je connais une caverne près des chutes du Glen où nous pourrons dormir en toute sécurité. Sans plus attendre, les voyageurs se dirigent alors vers la rivière où les attend un canoë. Après une navigation silencieuse et périlleuse, Œil de Faucon immobilise le canoë contre un rocher et conduit ses amis à une caverne. Ragaillardi, Hayward s'exclame. Nous voici prêts à défier Montcalm et ses alliés, ceux que vous appelez les Iroquois. Pendant le dîner, Hayward remarque discrètement avec quelle délicatesse Uncas veille sur la jeune Cora. Chingagook, lui, est impassible, tandis qu'Œil de Faucon, tout en mangeant avec appétit, reste aux aguets. Soudain, des cris retentissent en bas des rochers. Apeurée, Cora demande au chasseur. N'est-ce pas le cri que poussent les Indiens quand ils veulent faire peur à leurs ennemis? Non, non, non. Il suffit d'avoir entendu une seule fois le cri de guerre pour ne plus jamais le confondre avec un autre. Mais l'officier a pourtant un pressentiment. J'ai souvent entendu ce son sur le champ de bataille. C'est le cri atroce que pousse un cheval à l'agonie. Mon cheval est-il en ce moment la proie des bêtes féroces? Qu'en pensez-vous, Œil de Faucon? Des loups doivent être en train de rôder sur la rive. Et ces pauvres chevaux appellent l'homme à leur secours. Uncas, prends le canot et lance un tison enflammé au milieu de la meute de loups. Sinon, nous risquons d'être privés de monture demain matin. Le lendemain matin, alors qu'Œil de Faucon réveille la petite troupe, d'autres cris encore plus sauvages résonnent dans toute la forêt. Sans réfléchir, David, le maître de chant, monte sur le rocher, mais l'ennemi rôde partout et le blesse aussitôt d'un coup de fusil. Accouru à son secours, Œil de Faucon annonce à l'entourage. Le pauvre diable a sauvé son scalp, mais ces sauvages d'Iroquois vont bientôt revenir. Notre seul espoir est que Munro nous envoie des secours à temps. Après avoir mis en sécurité Cora et Alice au fond de la caverne, Heyward rejoint Œil de Faucon et ses amis les Mohicans dans un bosquet de pins. L'attente se fait longue et l'angoisse grandit d'heure en heure. Tout à coup, le chasseur croit remarquer un frissonnement anormal sur la rivière. Chut! Regardez toutes ces têtes qui surgissent de l'eau! Ces vauriens sont bien à la nage! Ils se préparent à nous attaquer! En effet, tout en poussant des hurlements de sauvages, les Iroquois s'élancent sur les rochers et se ruent sur les quatre hommes. Dans le combat, hélas, l'officier perd son arme et le voilà chancelant au bord du précipice. Soudain, Heyward est saisi à la gorge par un Iroquois quand Uncas bondit comme une flèche sur l'agresseur et le pousse violemment dans le vide. Heyward remercie Uncas qui lui a sauvé la vie avec tant de courage. Alors qu'il se serre la main, un cri de triomphe s'élève au-dessus de la rivière. Un Iroquois vient de voler le canoë de la petite troupe, laissant nos amis démunis sur leur rocher. Le désespoir est à son comble quand Cora propose à Œil de Faucon. Allez, homme courageux, fuyez par la rivière et allez trouver mon père, le général Munro, pour qu'il vienne nous délivrer. Stimulé par ces paroles courageuses, le chasseur appelle ses amis indiens et leur parle en Delaware. Chingagook l'écoute avec gravité, remet son couteau et son tomahawk dans sa ceinture, puis se dirige silencieusement vers la rivière et plonge. Avec le plus grand sang-froid, et après avoir salué les jeunes femmes, Uncas plonge à son tour. Également sur le point de partir, Œil de Faucon donne quelques conseils aux deux sœurs. Si les Iroquois vous capturent et s'ils vous emmènent dans la forêt, brisez les brindilles des buissons pour que je puisse vous suivre s'il le faut jusqu'au bout du monde. Cora se tourne alors vers Heyward. Suivez l'exemple d'Œil de Faucon et de ses amis, Heyward. Il n'en est pas question. Je veillerai sur vous et votre sœur, quoi qu'il arrive. David reprend peu à peu ses forces. Le calme semble être revenu et le musicien entonne avec ferveur un cantique. Soudain, un hurlement atroce retentit au dehors, puis quelques secondes plus tard, un autre cri résonne, suivi d'autres plus terribles encore. Regardant par une étroite fissure dans le rocher, Heyward reconnaît tout de suite le chef des sauvages. C'est Magua, le traître qui s'était fait passer pour un guide. Mais en quelques enjambées, les sauvages envahissent la caverne. Quand Magua apprend que ses pires ennemis, Œil de Faucon, Chingagook et Uncas, se sont échappés, il redouble de colère. Fait prisonnier, Heyward, David et les deux sœurs traversent la rivière en canoë, puis marchent dans la forêt dans une direction opposée à celle du fort William Henry. Se souvenant alors des conseils du chasseur, Cora brise discrètement quelques branches d'arbres sur son passage. Hélas, l'un des sauvages la surprend et la menace de son tomahawk. Heyward, lui, dissimulant sa peur et son aversion, décide de parler à Magua. Si vous ramenez ces filles au général Munro, au fort William Henry, vous serez, vous le savez, largement récompensé. Le regard plein de haine, l'Indien réplique. Assez! Allez dire à la fille aux cheveux noirs que Magua veut lui parler. Le jeune Heyward s'exécute aussitôt et Cora, avec une grande dignité, demande à l'Indien. Que voulez-vous dire à la fille de Munro? Écoutez, Magua était un chef et un guerrier parmi les Hurons rouges des lacs. Il était heureux, mais ses pères du Canada sont venus et lui ont appris à boire l'eau de feu et il est devenu un vaurien. Chassé de son peuple, il a couru vers ses ennemis les Mohawks qui l'ont finalement adopté. Mais votre père commandait les Mohawks et interdisait de boire. Magua n'était plus lui-même. C'était l'eau de feu qui parlait et agissait pour lui. Et votre père, pour punir le chef Huron, l'a attaché à un poteau. Et il l'a fouetté comme un chien devant tous les visages pâles. Magua s'en souviendra toute sa vie. Essayant de garder son calme, la jeune femme répond. Vous voulez donc vous venger sur Alice et moi? Quelles sont vos intentions? Écoutez. Quand Magua a quitté son peuple, sa femme a été donnée à un autre chef. Maintenant, il s'est réconcilié avec les Hurons. Alors que la fille du chef anglais le suive et vive dans son wigwam pour toujours. Cette fois-ci, hors d'elle, Cora s'écrie. Vous n'êtes qu'un monstre! Comprenant que l'heure de la vengeance est venue, Les sauvages ligotent les prisonniers, puis allument un bûcher. Magua s'avance alors vers Cora et lui lance d'un ton méprisant. Ha! Ha! La fille de Monroe est trop fière pour reposer sa tête près de Magua. Préfère-t-elle rouler jusqu'en bas de la colline et devenir le jouet des loups? C'en est trop pour Heyward. Rassemblant toute son énergie, l'officier réussit à briser ses liens, puis se précipite sur un Indien prêt à lancer son tomahawk sur Alice. Les deux adversaires roulent à terre. Mais le Huron immobilise le militaire et s'apprête à lui planter la lame de son couteau lorsqu'une balle de fusil le tue sur le cou. Devant la mort soudaine de leur compagnon, les Hurons restent un instant pétrifiés, puis tout à coup, ils reconnaissent le tireur. C'est Œil de Faucon, et il est escorté de ses amis Chingagook et Uncas. Fou de rage, des Hurons s'avancent pour tuer Alice et Cora, mais Uncas bondit sur eux et leur fend la tête de sa hache. Seul, Magua, blessé, réussit à s'enfuir dans un fourré. Tous ses amis sont morts, et Chingagook est déjà en train d'enlever leur scalp. Abasourdi de toute cette violence, Heyward demande à Œil de Faucon. Par quel miracle avez-vous réussi à venir à notre secours? Quand nous sommes partis pour chercher du renfort, nous n'étions pas tranquilles. Aussi, nous sommes restés embusqués sur la rive de l'Hudson afin de guetter les mouvements des Hurons. Puis nous avons entendu d'étranges cris qui signifiaient que ces sauvages vous avaient capturés. Et c'est Uncas qui a reconnu vos traces. Après avoir rassemblé les armes et les munitions des Hurons, Œil de Faucon conduit ses amis vers une plaine sablonneuse. Là, il s'arrête et leur annonce. C'est facile de se diriger dans ce désert. Mais qui nous dit qu'une armée puissante ne cantonne pas parmi ces montagnes arides? Après une longue marche, Heyward demande impatient. Sommes-nous encore loin de William Henry? Nous approchons. Mais regardez, des Français se sont regroupés autour du fort. Si nous voulons passer, ce sera aussi difficile que de nous faufiler à travers le trou d'une aiguille. Et puis vous voyez là-bas ces colonnes de fumée noire? Cela signifie que les bois sont infestés des maudits Iroquois de Montcalm. Après une brève discussion sur le moyen d'approcher le fort anglais, Œil de Faucon propose à ses amis. Le brouillard se lève. C'est peut-être notre seule chance. Attendons qu'il enveloppe le camp de l'ennemi et nous nous faufilerons jusqu'au fort. Le chasseur est soudain interrompu par un boulet de canon. Il a été envoyé avec une telle force qu'il creuse un large sillon dans la terre, ce qui donne une idée à Œil de Faucon. Suivons la direction de la tranchée qu'a façonné ce boulet. Vite, en route. Sinon, la brume pourrait se dissiper et nous exposer au feu des deux artilleries à la fois. Pour mieux les escorter, Heyward se place entre les deux sœurs. Le brouillard est si épais qu'on ne distingue rien à deux pas. La petite troupe s'apprête à obliquer vers la droite quand une voix française retentit. « Qui va là ?» Essayant de se faire passer pour un Français, Heyward répond sans hésiter. « C'est moi, un ami de la France !» Hélas, le soldat français reconnaît l'accent anglais d'Heyward et ordonne de faire feu. Cris, jurons et détonations se croisent alors depuis les bords du lac jusqu'à la lisière de la forêt. Français et anglais s'échangent des boulets, tandis que les Iroquois sortent des fourrés en poussant des cris de sauvages. Devant cette attaque, la petite troupe est prête à rebrousser chemin, quand soudain, une voix venant du fort William Henry gronde. Allez bien ! Tenez bon, mes gars du 60e ! Attendez que l'ennemi soit en vue et tirez ! Alice reconnaît cette voix et s'écrie. Mon père ! Mon père, c'est moi, Alice ! Faites taire ces canons ! Saisi par l'émotion, le général Monroe ordonne aussitôt à ses hommes. Arrêtez ! Ouvrez grand la porte ! Vous voici enfin, mes chères petites filles.